pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti. Troisième épisode, La force de l'âge, 1. Au printemps 1931, je dus solliciter un poste. On m'assigna à Marseille. De toute mon existence, je n'ai connu aucun instant que je puisse qualifier de décisif. Je me rappelle mon arrivée à Marseille comme si elle avait marqué dans mon histoire un tournant absolument neuf. J'avais laissé ma valise à la consigne et je m'immobilisais en haut du grand escalier. Marseille, me dis-je, sous le ciel bleu, des tuiles ensoleillées, des trous d'ombre, des platanes couleur d'automne. Au loin, des collines et le bleu de la mer. Une rumeur montait de la ville avec une odeur d'herbe brûlée et des gens allaient, venaient au creux des rues noires. Marseille. J'étais là, seule, les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j'aimais. Et je regardais la grande cité inconnue où j'allais sans secours tailler au jour le jour ma vie. Je me mis à descendre l'escalier. Je m'arrêtais à chaque marche, émue par ces maisons, ces arbres, ces eaux, ces rochers, ces trottoirs qui peu à peu allaient se révéler à moi et me révéler à moi-même. J'eus le coup de foudre. Je grimpais sur toutes ces rocailles. Je rôdais dans toutes ces ruelles. Je respirais le goudron et les oursins du vieux port. Je me mêlais aux foules de la Canebière. J'aimais les tramways brimbalants où s'accrochaient des grappes humaines et les noms inscrits à leur front. La Madrague, Mazargue, les Chartreux, le Roucas blanc. Je montais sur tous les sommets, le Gardaban, le Mont Aurélien, Sainte-Victoire, le Pilon du Roi. Je descendis dans toutes les calanques. Je suivis au bord de la mer tous les chemins douaniers. Au pied des falaises, le long des côtes tourmentées, la Méditerranée n'avait pas cette langueur sucrée qui ailleurs m'écœura souvent. Dans la gloire des matins, elle battait avec violence les promontoires d'un blanc éblouissant, et j'avais l'impression que si j'y plongeais la main, elle me trancherait les doigts. Seule, je marchais dans les brouillards sur la crête de Sainte-Victoire, sur la chaîne du Pilon du Roi, contre la violence du vent qui précipita mon béret dans la plaine. Seul, je me perdis dans un ravin du Luberon. Ces moments, dans leur lumière, leur tendresse, leur fureur, n'appartenaient qu'à moi. Raymond Aron passait l'année 1932 à l'Institut français de Berlin et tout en préparant une thèse sur l'histoire, il étudiait Husserl. Quand il vint à Paris, il en parla à Sartre. Nous passâmes ensemble une soirée au Bec de Gaz, rue Montparnasse. Nous commandâmes la spécialité de la maison, des cocktails à l'abricot. Aron désigna son verre. Tu vois, mon petit camarade, si tu es phénoménologue, tu peux parler de ce cocktail et c'est de la philosophie. Sartre en pâlit d'émotion ou presque. C'était exactement ce qu'il souhaitait depuis des années. Parler des choses telles qu'il les touchait et que ce fût de la philosophie. Aron le convainquit que la phénoménologie répondait exactement à ses préoccupations. Dépasser l'opposition de l'idéalisme et du réalisme, affirmer à la fois la souveraineté de la conscience et la présence du monde tel qu'il se donne à nous. Il acheta, boulevard Saint-Michel, l'ouvrage de Lévinas sur Husserl, et il était si pressé de se renseigner que tout en marchant, il feuilletait le livre dont il n'avait même pas coupé les pages. En 1937, j'enseignais au lycée Molière à Paris. Je me donnais avec moins d'entrain que d'habitude à mes occupations, à mes distractions. Je me sentais tout le temps fatiguée. Avec Olga, avec Sartre, avec les deux ensemble, je veillais tard. Sartre se reposait à l'an, Olga dans la journée, moi jamais. Je m'acharnais à travailler, je voulais finir mon livre. Le matin, je me levais de bonne heure pour aller au lycée. Souvent, dans le métro, je mesurais avec anxiété le temps qui me séparait de la prochaine nuit. Encore 16 heures avant de me coucher. J'aurais donné n'importe quoi pour m'endormir tout de suite, et indéfiniment. Attendant Sartre dans un café près de la gare du Nord, il m'arrivait de fermer les yeux et de perdre conscience pendant quelques minutes. Le sommeil devenait une obsession. J'ai appris à ce moment-là que la lassitude peut être aussi ravageuse qu'une maladie et tuer tout plaisir à vivre. D'autre part, j'avais suivi avec trop de joie la montée du Front populaire pour ne pas m'attrister de son déclin. Blum, en proie à de graves difficultés financières, déclarait qu'une pause était nécessaire. L'Angleterre, comme la France, tolérait sans broncher l'intervention des forces allemandes et italiennes en Espagne. Le seul pays capable et sincèrement désireux de barrer la route au fascisme, c'était l'URSS. Mais que signifiaient les procès qui se déroulaient à Moscou? Un soir, vers 10 heures, je causais au Select avec Bost, quand je fus prise d'un frisson. Je me couchai, brûlante et transie. Toute la nuit, je transpirais, je grelottais. Au matin, le médecin prit peur. Il déclara que je devais d'urgence partir en clinique. Je sanglotais, il me semblait qu'on m'arrachait à ma vie pour toujours. Pendant qu'on m'enfournait dans l'ambulance, je me disais, ébahie, voilà que ça m'arrive à moi. J'attendis avec patience la guérison. À l'heure du déjeuner, Sartre allait chercher à la coupole une portion du plat du jour qu'il ramenait à petits pas jusqu'à ma chambre en essayant de ne rien renverser. Je lisais de nouveau les journaux, les mêmes qu'auparavant, mais aussi Ce Soir, paru au début de mars, que dirigeait Aragon, et où Nizan était chargé de la politique extérieure. Bien que Blum eût proclamé la pause, la haute finance s'appliquait systématiquement à ruiner son gouvernement. La guerre d'Espagne tournait mal. Fin avril, le massacre de Guernica souleva l'indignation. Impuissante à combattre les malheurs du monde, je ne demandais qu'à les oublier. J'obéis joyeusement au médecin qui m'avait prescrit d'aller me reposer 3 semaines dans le Midi. J'avais jeté mon dévolu sur Bormes-les-Mimosas. La gare était une cahute abandonnée devant laquelle je fus la seule à descendre, pas un employé. Il était midi. Le soleil et toutes les odeurs de la Provence sautèrent sur moi. Au sortir des brumes de la convalescence, ce fut une radieuse résurrection. J'arpentais les morts. Dans les postes des villages, je trouvais chaque fois, comme un cadeau inattendu, des lettres de Sartre. Un jour, il m'apprit une nouvelle qui me fit bondir le cœur de joie. Il avait été convoqué chez Gallimard. Mélancolia était acceptée. Voici comment il me raconta l'affaire. Vendredi 3 avril 1937. Mon charmant Castor, voici la suite du surmenage épistolaire. Je comptais aujourd'hui vous écrire une petite lettre bien peinarde, sans événement, et tout juste avec de petites amabilités et des considérations sur le monde en général. Au lieu de cela, il faut encore raconter des faits, parce que j'ai passé mon après-midi à la NRF. Apprenez que je suis débarqué à la gare du Nord à 3h20. Bost m'attendait. Nous avons pris un taxi. J'ai laissé Bost dans le petit café où je vous ai attendu le jour où vous fûtes mélancoliquement chercher votre manuscrit de primauté du spirituel. Je suis entré glorieusement. Je me suis assis dans un coin, sur une petite chaise de cuisine, et j'ai attendu. Au bout d'un moment, comme tout le monde m'avait oublié, la bonne femme du téléphone est sortie de son coin. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Je viens voir Monsieur Parent. »« Non, Paulan. » »« Eh bien, montez. » J'ai monté 2 étages, et je me suis trouvé en face d'un grand type basané. C'était Paulan. Il m'a introduit dans son bureau. Il parle d'une voix distinguée avec un aigu féminin, sa caresse. Je me suis assis du bout des fesses sur un fauteuil de cuir. Il m'a tout de suite dit « Mais c'est admirable ». On suivit plusieurs épithètes laudatives que vous imaginez, accent tellement personnel, etc., etc. J'étais très mal à l'aise parce que je pensais « Après ça, il va trouver mes nouvelles moches ». Il me disait pendant ce temps-là « Connaissez-vous Kafka ?» Malgré les différences, je ne vois que Kafka à qui je puisse comparer cela dans la littérature moderne. Votre manuscrit est entre les mains de Brice Parrain. Il n'est pas tout à fait d'accord avec moi. J'étais emmerdé comme un rat. Il a ajouté, mais votre livre sera sûrement pris. Gallimard ne peut pas ne pas le prendre. Mon amour, c'est tout. Si par extraordinaire il ne se passait rien demain, je vous enverrai une lettre genre paysage intérieur. Mais courte, mon charmant Castor. Je vous aime. Je suis heureux parce que je pense que cette lettre vous fera plaisir. Pour les modifications à Mélancolia, naturellement, je vous attends et nous déciderons ensemble ce qu'il faut faire. Un soir, un peu après la rentrée, j'étais assise avec Sartre au fond du dôme. Nous parlâmes de mon travail et il me reprocha ma timidité. Dans mon dernier livre, j'avais touché à des questions qui me préoccupaient, mais à travers des personnages pour qui j'avais de l'antipathie ou une sympathie mitigée. Enfin, pourquoi ne vous mettez-vous pas en personne dans ce que vous écrivez? Vous êtes plus intéressante que toutes ces René, ces Lisa. Le sang me monta aux joues. Il faisait chaud, il y avait comme d'habitude beaucoup de bruit et de fumée autour de nous. Et j'eus l'impression de recevoir un grand coup sur la tête. Je n'oserais jamais, dis-je, me jeter toute crue dans un livre, ne plus prendre de distance, me compromettre. Non, cette idée m'effrayait. Oser. Sartre me pressait. J'avais mes manières à moi de sentir, de réagir, et c'était tout ça que je devais exprimer. Comme chaque fois qu'il se donnait à un projet, ses mots faisaient lever en foule des possibilités, des espoirs. Mais j'avais peur. De quoi, au juste? Il me semblait que, du jour où je la nourrirais de ma propre substance, la littérature deviendrait quelque chose d'aussi grave que le bonheur et la mort. Le schéma de l'invité commença de se former en moi. Mesdames, messieurs, veuillez écouter M. Édouard Daladier, président du Conseil des ministres. Pour organiser le front de la paix contre toutes les tentatives d'agression, nous avons pris des engagements avec d'autres pays, avec tous les pays qui ont voulu conclure le même engagement que nous dans le même esprit de solidarité humaine. C'est dans ce but, notamment, que nous avions engagé avec la Russie, d'accord avec l'Angleterre, des conversations politiques et militaires. Lorsque, renversant brusquement sa politique et sa doctrine, la Russie a signé avec l'Allemagne... Je disais, comme Colette Audry, comme beaucoup de disciples d'Alain, une France en guerre n'est-ce pas pire qu'une France nazifiée? Sartre secouait la tête. Je ne veux pas qu'on m'oblige à manger mes manuscrits. Je ne veux pas qu'on arrache les yeux de Nizan à la petite cuillère. Il me convainquit. La guerre ne pouvait plus s'éviter, mais pourquoi en était-on venu là? Je n'avais pas le droit de m'en plaindre, moi qui n'avais pas levé une phalange pour l'empêcher. Nizan avait eu raison de soutenir que l'engagement politique ne saurait d'aucune manière s'éluder. En s'abstenant, on prend position. Il est certain que le printemps 1939 marque dans ma vie une coupure. Je renonçais à mon individualisme, à mon anti-humanisme. J'appris la solidarité. Journal de guerre, 2 septembre 1939. Le réveil sonne à 3 heures. Nous descendons à pied au dôme. Il fait très doux. Le dôme et la rotonde sont faiblement éclairés. Le dôme est bruyant, beaucoup d'uniformes. Deux putains à la terrasse encadrent deux officiers. L'une chantonne machinalement. Les officiers ne s'en occupent pas. À l'intérieur, des cris, des rires. Nous partons en taxi pour la place Hébert, à travers la nuit vide et douce. Sous la lune, la place est déserte, mais deux gendarmes sont là. On dirait un roman de Kafka. La démarche de Sartre semble absolument libre et gratuite, avec pourtant une rigoureuse fatalité qui vient du dedans de lui-même, par-delà les hommes. Les gendarmes l'accueillent d'un air amical et indifférent. « À l'égard de l'Est, disait-il, un peu comme s'il s'adressait à un maniaque. Nous suivons les grands ponts de fer au-dessus des rails, le ciel rougit, c'est très beau. La gare est vide. Il y a un train à 6h24, mais nous décidons que Sartre prendra celui de 7h50. Nous nous asseyons à une terrasse. Sartre me répète que dans la météorologie, il ne court aucun danger. Nous nous parlons encore dans la gare par-dessus une chaîne, puis il s'en va. Je reviens à pied à Montparnasse, un beau matin d'automne. Sur le boulevard de Sébastopol rôde une fraîche odeur de carottes et de choux. À Simone de Beauvoir, samedi 2 septembre. Mon amour, 5h10. Ça n'est plus du tout du Kafka, ça redevient du Courteline. Je suis arrivé à la caserne à 3h avec un petit choc au cœur, moi aussi. Je me suis dit, ça y est. Et ça y était, en effet. À l'arrêt terminus du tram, je me suis attaché au pas d'un type, ou bien il s'est attaché au mien. C'était un type peu individualisé, le type parfait avec qui on va rejoindre son régiment. Il m'a offert une canette, je lui ai offert une canette. Il m'a refaire une canette, je lui ai refaire une canette, et de canette en canette, nous sommes arrivés à de grands bâtiments tristes très loin dans la campagne. J'ai dit au type, tu vois, ici, on est encore en civil, et de l'autre côté de la grille, on ne l'est plus. Il a dit oui. Et puis on est entré, on a été de bâtiment en bâtiment. On m'a dit, Sartre, tu es avec le Z11, mais le Z11, il est déjà parti. Où est-il parti? Je l'ignore. Je me balade avec une fiche et chacun dit, Z11, Z11, connais pas. Finalement, je suis assis à même le sol sur une paillasse de foin où je coucherai ce soir. Des types assis à une table s'entretiennent de la situation politique, un autre met son treillis neuf. Je me sens profondément absurde et tout petit. Au soldat Sartre, 14 octobre 1939. Mon amour, tout cher petit être, comme vous m'aimez bien, mon amour, j'en suis toute bouleversée. Vous m'êtes si présent, je me sens si présente à vous, et votre visage est dans le noir. Et vous n'avez plus de corps. Je n'ai rien à toucher que les lettres sur le papier et votre petit dessin de briquet en fin de lettre. 16 octobre 1939. Mon charmant castor, imaginez une notabilité du village un peu comique qui échange des saluts avec tout un chacun et tout un chacun qui se dérit en la voyant passer. La notabilité, c'est moi, et les villageois sont les militaires de tout grade. C'est fou ce que j'en connais. Il se bidonne quand je passe à cause de mes moltières et de je ne sais quelle tournure générale qui a dû me suivre du civil dans le guerrier. Vous en jugerez vous-même d'après les photos que je vous ai envoyées hier. Telle reste donc ma vie, bourgeoise et sans pittoresque. Journal de guerre, 13 octobre 1939. Journée un peu bien dispersée. Hier soir, chez Yuki Desnos. Yuki préside, enveloppée d'un kimono japonais qui dénude de beaux bras et le haut de la gorge. Elle est blonde, assez belle. Et tout entière truquée. Tout le monde discute une lettre de Desnos qui raconte paisiblement sa vie au front. On s'indigne, on le voudrait révolter. Ces gens sont ivres et navrants. C'est une vraie comédie bien réglée. On joue ici l'arrière surréaliste, cynique et révolté. 8 juillet 1940. Mon charmant castor, je suis prisonnier depuis le 21 juin, jour de mon anniversaire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis fort bien traité, en excellente santé et tous les membres en parfaite intégrité. Si j'écris au crayon, ce n'est pas qu'une balle ait brisé mon stylo, c'est que je l'ai perdu hier. Je suis présentement couché à l'ombre d'une toile de tente et, en somme, ma captivité se borne à faire du camping. J'ai le grand espoir de vous revoir bientôt, et tout va bien pour moi. Peter et Paul sont naturellement prisonniers avec moi. Je vous aime de toutes mes forces. Un soir, à la fin de mars 1941, revenant à mon hôtel après dîner, je trouvais dans mon casier un mot de Sartre. Je suis au café des Trois Mousquetaires. Je remontais en courant la rue de l'Ambre et la rue de la Gaîté. J'entrais hors d'haleine dans le café qui rougeoyait derrière ses épais rideaux bleus. Personne. Je me laissais tomber sur une banquette. Un des garçons qui me connaissait s'approcha et me tendit un bout de papier. Sartre avait attendu 2 heures et il avait été faire un tour pour tromper son énervement. Il allait revenir. Pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti. Troisième épisode, La force de l'âge. Avec Anne Alvaro, Simone de Beauvoir et les voix de David Jesselson et Xavier Brossard. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Cyril Métro. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Les textes étaient extraits de Simone de Beauvoir, La force de l'âge, Gallimard, 1960, Journal de guerre, septembre 1939, janvier 1941, Gallimard, 1990, Lettre à Sartre, Gallimard, 1990, et de Jean-Paul Sartre, Lettre au Castor, Gallimard, 1983.